L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur votre antenne de radio locale RGB. Ce soir, eh bien, présentation de nos invités. Je commence par celui qui est présent fidèlement dans cette émission, c'est Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise qui coproduit cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Matona, directeur du Festival théâtral du Val d'Oise, infidèle de ses ondes enchantées. Bonjour, bonsoir Bernard. Bonsoir José. Jean-Pierre Cliquet, responsable, directeur du pôle culturel de la ville d'Hermont, ce qui, on va dire, intègre les théâtres d'Hermont, théâtre Pierre Freinet, théâtre de l'aventure, mais aussi le conservatoire et d'autres actions culturelles qui existent sur ce territoire. Bonsoir. Bonsoir José. Astrid Cosson, responsable pôle développement des publics à l'Apostrophe. Bonsoir Astrid. Bonsoir. On va parler avec elle certainement d'action culturelle, c'est bien ça ? Tout à fait. Commençons par le commencement. L'Apostrophe et les partenaires. L'Apostrophe et les partenaires, eh bien oui, on va parler de partenaires au pluriel à partir d'un exemple très concret, une pièce prochainement à l'affiche de l'Apostrophe, sa Foxtrot dans la botte de mamie. Alors, à l'affiche de l'Apostrophe, mais pas seulement. On va parler à partir de cet exemple, eh bien, d'un fonds d'aide à la création mutualisée. C'est Bernard Matonard qui est directeur du Festival théâtral du Val d'Oise, qui va nous parler de ce fonds d'aide à la création mutualisée, puisque c'est le festival qui l'a créé déjà depuis 2011. Oui, depuis 3 ans. Une aventure récente, cependant. Oui. Écoutez, ça partait de l'analyse suivante, c'est que le Festival théâtral du Val d'Oise, jusqu'à un temps pas si lointain, était le 36e... structure de présentation de spectacles. Et que pour faire repérer le festival théâtral du Val d'Oise, de l'autre côté du périphérique, la création devient un élément essentiel au repérage. Et le changement de nature du département depuis l'origine du festival fait que nous souhaitions, avec les partenaires du festival, orienter celui-ci vers la création. D'où le besoin de créer un fonds d'aide à la création mutualisée que nous avons lancé avec au démarrage 8 villes, puis 13, 14 villes maintenant, qui participent à un fonds commun, un pot commun, qui se monte environ par an à 45 000 euros et qui est complété, ce fonds en apport en numéraire, est complété par des actions de prêt de salle, de répétition, qu'on appelle de l'apport en industrie, et qui est pas du tout négligeable puisque on arrive à débloquer 5 à 6 semaines de répétition, ou voire un mois, sur le département, dans les diverses structures professionnelles qui font partie de ce fonds de création mutualisée. Est-ce que ça permet l'émergence de nouveaux auteurs, par exemple ? Le choix des compagnies aidées par ce fonds se fait collégialement par les 14 participants au fonds d'aide à la création mutualisée. On analyse chacun, on amène 1-2 dossiers et on analyse l'intérêt des projets et on décide en commun d'aider en général 3 projets, parce qu'on ne souhaite pas non plus faire du saupoudrage, mais vraiment être coproducteur à part entière. Et donc, en général, un spectacle tout public, plus important, un spectacle de moyenne importance, qui est en général entre le tout public et public ado, et puis un spectacle jeune public, ce qui est le cas du spectacle dont nous allons parler tout à l'heure. Mmh. Jean-Joël Le Chaplin, quel est l'intérêt pour la scène nationale L'Apostrophe ? Eh bien, de créer des ponts avec d'autres structures culturelles du territoire. Et quand on dit du territoire, c'est plus large, c'est sur l'ensemble du Val d'Oise. Oui, l'intérêt, c'est, je dirais que c'est la mission de l'institution qui a pour objet, évidemment, de développer tout ce qui peut permettre à l'artiste de s'exprimer, d'exprimer ses projets sur la scène de théâtre, mais également de rencontrer les publics les plus larges et d'aller aussi en rencontre avec d'autres organisateurs, d'autres publics veut dire aussi d'autres territoires évidemment, d'autres espaces, d'autres manières de pratiquer et d'autres structures aussi, puisque c'est aussi par l'intermédiaire des structures que dans une ville on rencontre le spectacle. Donc comme il n'y a pas des scènes nationales dans les 36 000 communes de France, c'est bien dommage, mais ça n'est pas le cas. Donc c'est la fonction de la mission de l'institution est celle-ci, d'aller, comme je le dis, soutenir des projets. Et quand on le fait en partenariat, on a une ouverture plus grande sur les projets. On est en mesure d'être en synergie de manière plus profonde et de mieux remplir sa mission, si je puis résumer ça comme ça. Jean-Pierre Cliquet, vous pour le pôle culturel de la ville d'Ermont, on pourrait croire au départ que quand on parle des différents territoires qui forment ce département du Val-d'Oise, il est souvent question pour des questions d'attractivité, de concurrence entre les territoires, y compris sur les questions culturelles. Là, vous faites la démonstration qu'il faut dépasser les questions de concurrence et plutôt chercher à coopérer, à mutualiser. Oui, parce que un des enjeux, y compris pour un théâtre, pour un lieu municipal comme le pôle culturel d'Ermont, un des enjeux, c'est la rencontre entre la création du spectacle vivant et les publics. Et il n'y a pas, il me semble, il n'y a pas d'alternative au réseau. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, travailler sur un territoire avec les partenaires. Et là, en l'occurrence, sur le Val d'Oise, il y a à la fois ce festival qui existe depuis des années et qui s'est ouvert, comme nous l'expliquait Bernard, et puis il se trouve qu'il y a une scène nationale qui est prête à travailler avec les partenaires sur le terrain. Donc par ce genre de démarche, nous sommes plus en mesure de donner du sens au travail que nous menons à la fois avec le public et à la fois avec les équipes de création, parce que la question que nous avons à nous poser, théâtres municipaux, c'est est-ce que nous ne faisons que de la diffusion de spectacles, de ce que le public est censé attendre, ou est-ce que nous sommes aussi partenaires de la création contemporaine? Bon, le choix que nous avons fait, nous, c'est ce choix-là, et il faut forcément que nous appuyions, ou en tout cas que nous nous associons avec les autres acteurs du territoire. Souvent, quand on parle de coopération, de mutualisation, des interconnexions, pour le coup, entre différentes scènes culturelle du Val d'Oise, on parle de circulation des œuvres et des publics. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous le vérifiez, par exemple, à Ermont? Circulation des œuvres, c'est vraiment un des enjeux du festival. Sur la circulation des publics, il y a encore beaucoup à faire. Il y a eu de belles initiatives, ça Bernard vous en parlera mieux que moi, en ce qui concerne justement le FACEM, puisque le premier projet FACEM sur lequel nous nous sommes tous associés a été l'occasion d'une circulation des publics, Bernard. Oui, alors le problème de la circulation des publics dans ce département, ce sont les voies de communication et transport. Il est évident que quelqu'un qui vient de Roissy pour aller à La Roche-Guyon, c'est un peu compliqué. Hein, mais il faut être très motivé. L'axe 15, il faut être très motivé. Donc il y a des gens qui circulent dans le cadre du festival et dans le cadre de production de l'apostrophe et qui viennent de loin. Mais ça ne reste qu'une frange réduite. Par contre, on arrive sur des événements forts, des créations, que ce soit avec la scène nationale, que dans le cadre du festival, ou même globalement sur le département au cours de l'année, à faire circuler des publics. Des publics semi-captifs, qu'on amène en car, Mais c'est la richesse du festival, c'est sur des événements forts, comme l'année dernière, je pense évidemment au spectacle de la mezzanine qu'on a fait à Argenteuil, on est arrivé à faire circuler un certain nombre de publics. Et tous les ans, on s'aperçoit qu'une frange non négligeable de publics commence à circuler dans le cadre du festival ou au cours de l'année avec la scène nationale de Sergi Pontoise. La même chose, la question est posée en effet à Jean-Joël Le Chapelain, parce que ce circulation des œuvres, on voit effectivement qu'au fil du temps, les choses s'organisent. Circulation des publics, ça paraît un petit peu plus difficile, compte tenu effectivement des questions de circulation, de mobilité. Est-ce qu'il y a des choses à inventer sur le sujet? Et quelles sont les pratiques justement de la scène nationale sur le sujet? Oui, enfin nous on est évidemment sur ce registre-là, mais il ne faut pas mythifier le déplacement pour le déplacement. La mobilité des publics laisse supposer qu'il y a des choses dans un endroit qui ne seraient pas dans un autre. C'est en ce sens-là que le déplacement est important et intéressant. Et le fait de travailler en réseau a pour objectif et pour réalité de rendre plus lisible à des amateurs, au sens de ceux qui aiment tel ou tel sujet, de les rendre plus lisibles et plus abordables, ne fût-ce que d'avoir l'information, pour pouvoir se rendre là où ce citoyen ou cette citoyenne veut aller. Parce que cette mobilité, elle existe. Hein. Moi qui fréquente beaucoup les salles de théâtre dans toute la région de France, et d'ailleurs, il m'arrive très fréquemment de rencontrer des spectateurs de mon théâtre dans les salles où je vais, ce qui illustre qu'ils vont donc ailleurs, ce qui est très bien, et que par ailleurs, je sais que les spectateurs nous en parlent. Ils vont voir ailleurs ce qui les intéresse. Alors si maintenant l'objectif politique est de dire nous voulons une mobilité maximum, ça serait un petit peu stupide. Mais en revanche, l'idée que cette lisibilité existe, et ça nous sommes un certain nombre à penser dans la profession, sur le plan local ou plus largement dans la profession, que ces partenariats sont des ouvertures indispensables non seulement à la vie artistique, non seulement à la capacité pour les citoyens de se rendre compte de ce qui se passe, mais au-delà de cela, à une sorte de conception de la démocratie qui vise à ce que finalement, même si on met le mot démocratie à toutes les sauces un peu aujourd'hui quand même, l'idée c'est quand même que finalement cette information existe et que le rapport à l'œuvre soit facilité. Alors, en revanche, il y a des points sur lesquels qui restent des points durs lorsqu'on s'approche des questions de déplacement de proximité. C'est vrai que dans une ville comme Cergy-Pontoise, on pourrait aimer qu'il y ait des facilités plus grandes données au transport en commun pour les spectateurs le soir. Ça paraît évident. Ce que je dis pour Cergy-Pontoise est vrai pour, en effet, pour beaucoup de villes du département et d'ailleurs. Mais je pense que l'évolution des mentalités du côté et des décisions, parce qu'il n'y a pas que les mentalités, les élus sont conscients de tout ça, mais des décisions à venir, je crois beaucoup que ces choses peuvent arriver, enfin s'améliorer dans les temps qui viennent. Revenons sur le fonds d'aide à la création mutualisée. Si on a bien compris, soutenir et développer la création contemporaine. En même temps, c'était une démarche innovante, en tout cas dans ce département du Val-d'Oise et peut-être même partout sur le reste du pays. On ne peut pas dire que ça se soit reproduit à une plus grande échelle, cette initiative. Il a fallu convaincre, vous, hommes de théâtre ou de culture, il a fallu convaincre les politiques. Car généralement, l'argent public sur chacune des communes était destiné à des actions limitées sur le territoire des communes en question. Là, c'est un fonds qui est alimenté par différents partenaires financiers, donc, et donc les villes, les structures culturelles, pour profiter à un plus large public. Oui, ça, c'est une spécificité du Val-d'Oise, avec une histoire très ancienne. Premier réseau, ça a été évidemment celui du Festival théâtral du Val-d'Oise, mais il y a Escale Danse, mais il y a Cirque Évolution, mais il y a Périphérique, mais il y a un certain nombre. Il y a le Festival de Jazz. Donc, il y a une habitude très ancrée dans ce département de travailler en réseau et de coproduire chez le voisin des spectacles parfois qu'on n'en a même pas chez soi. Hein, ça arrive régulièrement et avec des municipalités de couleurs totalement différentes. C'est la spécificité unique, on peut dire, en France, parce qu'il n'y a pas d'autre exemple, d'un département qui fonctionne comme cela. Mais c'est beaucoup dû à la volonté des êtres humains et des personnalités qui ont fait l'histoire de ce département et qui font qu'on existe là-dessus. Et puis, avec des moteurs importants, la scène nationale, les scènes conventionnées, qui jouent le jeu de ce territoire et qui ont une conception d'équipement territorial et d'équilibre des publics. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Jean-Pierre Cliquet, sur Hermont, il a fallu convaincre également. Non, ça s'est fait naturellement. Oui, enfin, c'est-à-dire que depuis que l'équipe qui est à Hermont est en place, ça, le fait de travailler en partenariat, enfin, déjà même avant, Hermont participait au festival théâtral. Je crois effectivement que sur le département du Val-d'Oise, l'implantation depuis, ça fait combien d'années, 31 ans du festival a eu une influence sur la culture, y compris des politiques. C'est-à-dire que les politiques du Val-d'Oise ont en tête, presque comme quelque chose de naturel, le fait de collaborer, d'avoir des actions comme ça. Alors bon, pas non plus, tout n'est sûrement pas rose nulle part, mais chez nous, vraiment, ça n'a pas posé de question. C'est quelque chose qui a été, tout passe en conseil municipal, comme dans une municipalité, donc c'est un acte politique majeur, c'est-à-dire que l'ensemble de la municipalité, à un moment, acte le fait d'être dans cette démarche territoriale. Venons-en à l'artistique concernant pour traduire ce que peut apporter le Fonds d'aide à la création mutualisée, le spectacle Sa Foxtrot dans la botte de mamie. Qui va nous en parler? C'est Bernard ou Jean-Joël ou Jean-Pierre Cliquet? D'accord. Sa Foxtrot dans la botte de mamie, une pièce qui a obtenu le prix de la meilleure pièce de théâtre finlandaise en 2002. Avec effectivement un propos qui nous concerne tous, pas simplement pour ceux qui seraient originaires de Finlande. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, en même temps, il faut dire que la metteur en scène traductrice est finlandaise, même si elle vit en France, son histoire culturelle en Finlande n'est pas neutre dans son travail. Hein. Il y a une originalité du travail de la métonymie. Alors, elle a donc traduit ce texte de Sirkku Peltola, qui est l'histoire d'une famille finlandaise, donc qu'on pourrait éventuellement d'ailleurs retrouver en France, deux parents, deux enfants, deux parents qui sont à la fois abîmés dans leur quotidien et absolument absents de leurs enfants. Hein. Leurs enfants se développent et ils ne voient rien. Donc on va les rencontrer dans des scènes de la vie familiale, on va les rencontrer face à un commissaire de police, face à un instituteur, et on va là pouvoir mesurer comment l'écart se creuse entre les générations. En fait, c'est un spectacle. Le projet qui a, je suppose, séduit les uns et les autres, c'est que ça parle un peu des difficultés de communication entre générations. Ça peut paraître noir, mais en fait c'est au deuxième degré, et la mise en scène de Tina Kartama qu'elle a préparé à la fois à l'apostrophe et chez nous à Hermont va aller dans ce sens-là. Je pense que ce sera un spectacle à la fois qui fera réfléchir et puis qui ne manquera pas de nous amuser également. Une manière de nous rappeler aussi, au-delà des problèmes de communication ou d'incommunication, que nous vivons dans un monde qui encourage pas mal l'indifférence, et c'est là où je dis que ça prend effectivement une traduction pour nous tous dans notre quotidien, quel que soit l'endroit où on peut se trouver. Dialogue simple en apparence, une écriture sans cruauté, sans accusation, c'est aussi une manière aussi d'être le plus accessible possible. Au niveau des publics, ça s'adresse à un public familial à partir de 10 ans. C'est ça, oui. C'est-à-dire que c'est le challenge. Là, Bernard parlait tout à l'heure du jeune public, mais on est dans le jeune public tel qu'un certain nombre de gens le défendent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est adressé, où c'est accessible à un enfant de 10 ans, on suppose qu'à 90 ans, ça nous est encore accessible. C'est une comédie amère, un peu à la manière d'une comédie qui nous fait pleurer et d'une tragédie qui nous fait sourire. Une manière de venir en famille assister à ce spectacle. À voir le 29 novembre au Théâtre de l'Aventure à Hermont à 20h30, les 4, 5 et 6 décembre 14h30 et le samedi 7 décembre à 21h à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Dans ce propos, il y a une soirée finlandaise qui va se prolonger le propos autour de ces ambiances avec une journée en trois temps, le samedi 7 décembre prochain, en partenariat, si on parlait de partenariat, eh bien là, il est élargi au cinéma Utopia, à Saint-Ouen-le-Monde en particulier, qui va nous parler du film Leningrad Cowboy Go America, ce film qui sera projeté au cinéma Utopia Saint-Ouen-le-Monde, l'un d'entre vous. Bon, vous avez tout dit, mon cher José, donc en fait, c'est une proposition que nous avons faite au cinéma Utopia, qui en matière de cinéma est évidemment un lieu de référence incontournable, et donc de proposer une thématique, parce que c'est pas si fréquent que nous ayons un auteur étranger qui vive en France, comme c'est le cas de la metteuse en scène, et en outre une possibilité de focale sur la culture de la Finlande, et Ari Kaurismäki étant même un immense metteur en scène, enfin réalisateur de cinéma, qu'il était opportun comme ça pour nous de le proposer, en effet, avec une première partie ciné à Pontoise, dîner au théâtre avant le spectacle dans la foulée. Humour nordique concernant le réalisateur, humour noir, se placer au 25e degré pour ceux qui voudraient du cinéma de haute volée. L'histoire de musiciens agriculteurs qui se produisent dans un coin déshérité de Sibérie, qui ont une idée lumineuse, eh bien, de partir faire fortune aux États-Unis. Sur le chemin de l'aéroport, ils rencontrent un admirateur pas très désirable, mais qui va faire le chemin avec eux. Et l'histoire, eh bien, vous irez la découvrir en vous déplaçant le samedi 7 décembre à 18h, donc au cinéma Utopia. 19h45, apéritif dînatoire, s'il vous plaît, au Théâtre des Arts à Cergy, suivi du spectacle Sa Foxtrot dans la botte de mamie, spectacle dont on vient de parler sur cette même antenne de RGB, avec un petit service plus pour le public qui voudrait justement se déplacer facilement pour des questions de mobilité. Il y a une navette. Voilà, dans le cadre de l'agenda 21, navette possible entre les deux endroits, entre Utopia et Cergy préfecture. La métonymie que nous suivons à plusieurs depuis la fabrique de violence présente un autre spectacle dans le cadre du festival à Argenteuil le 16 novembre qui s'appelle Purge et qui est là encore un travail autour de la violence autour des femmes et qui est une mise en scène très intéressante. À ne pas manquer donc tout ce qui a été dit autour de ce théâtre, de cette écriture, voire écriture cinématographique finlandaise, avec ce spectacle Sa Foxtrot dans la botte de mamie. Bernard Matonas avait la parole, c'est l'occasion pour nous annoncer son choix musical. J'ai choisi un morceau de Juliette avec Alexandre Tarot autour d'Éric Satie, et une chanson décalé, humoristique, chez le docteur de Vincent Ipsa, qui évidemment est un auteur très décalé de l'époque d'Éric Satie. Le petit père Combe s'en va chez le docteur. Ah docteur, je suis bien malade. J'ai, comment vous dire, l'estomac gazouilleur comme un vieux siphon de limonade. Enfin j'ai quelque chose là qui ne passe pas, quelque chose qui ne passe pas. Le docteur fait, mais dites-moi, n'est-ce pas un projet de loi? Ah, ah. Voyons, reprit le docteur, avez-vous un moment de vous asseoir, prenez la peine. Ça ne sera pas long pour voir ce qu'il y a dedans, je vais vous ouvrir l'abdomen. Et fille combattant des morbleus, il me semble, docteur, que ça va déjà mieux. Puis vous savez, je suis pas curieux, ne vous dérangez pas pour si peu. Laissez, dit le docteur, ne vous occupez donc pas, je fais ça comme on vide un litre. Puis je suis en train, ce matin j'ai déjà ouvert plusieurs douzaines d'huîtres. N'ayez pas peur, vous ne sentirez absolument rien, je vais vous boucher le nez. Tout ça sera proprement fait, et plus vite qu'un porte-monnaie. Là-dessus, il opère, il regarde et il dit, jusqu'ici vous n'avez pas de chance de maladie de foie, mais quant à la phtisie, c'est couru galoper d'avance. Dans vos bronches, oh quel vent du nord, ça fait courant d'air avec le corridor, vos poumons semblent respirer autre chose que la sainteté. Ah, voici le cœur, dame, il n'est pas très grand, je pourrais le mettre dans ma poche. Tiens, vous le portez, ça c'est très élégant, crânement sur l'oreillette gauche. Il semble atteint, en vérité, d'une part trop grande sensibilité. Ça doit joliment vous gêner, je crois bien qu'il faudra l'enlever. Oh, ça c'est curieux, vous vous êtes foulé, la rate, mais le diable m'emporte. Comment avez-vous donc pu vous dévisser tout seul la crosse de la horte? Ah, vous êtes un fameux lapin, parbleu, je le vois bien de l'autre côté du Rhin. Vous devez être fort, mon garçon, mais là, très fort sur la boisson. Voyons donc ce ventre, il est joliment creux, son état, mais restez tranquille. À mon pauvre ami, ce que vous êtes chatouilleux, son état dit j'ai fort débile. Votre intestin grêle vraiment, n'a pas le sourire, il n'est pas engageant. Entre nous, je n'ai jamais vu un intérieur plus mal tenu. Allez, sale boyau, mais quelle belle occasion pour vous est vraiment peu loisible de dire bonjour à votre vieux colon. En ce moment, il est visible. Mais ne vous trémoussez pas comme ça. Vous avez fait choir mon lorgnon dans le tas. Si je ne le retrouve pas là-dedans, vous le paierez en supplément. Mais qui disait donc que vous aviez de l'estomac? Le vôtre m'a l'air d'être en bombe. Je ne le vois pas, regardez donc plus bas, s'écrit une voix d'outre-combe. Je le tiens, dit le docteur, pardon, il est rudement bas, il est sous vos talons. Ah non, d'un chien qu'il est, tu sais, faudra le faire ressemeler. Mais attendez donc, grand Dieu, qu'est-ce que j'y vois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fèves. Petit cachotier, vous pouviez être roi, mais plus modestes sont vos rêves. Qu'est-ce encore? Une gomme pour crayon, une pièce du pape, c'est ça qui doit être bon. Naïf, avez-vous pu penser un instant qu'elle allait passer? Tout ça ne sera rien, dit le docteur, ayant remis toutes ces choses à leur place. Ah, voyons la langue, pas trop sale. Aujourd'hui, ne buvez que du clos Wallace. Au fait, revenez demain en passant, que je vous ouvre le crâne, il y a peut-être quelque chose dedans. Mais nettoyez-le, grattez-le, je ne veux pas y trouver un cheveu. L'action culturelle. Avec Astrid Cossons, qui est responsable du pôle développement des publics, à l'apostrophe, c'est l'occasion de nous proposer à la fois des regards sur la danse, avec un nouveau rendez-vous à l'apostrophe, affaire de casting, restez à l'écoute, et trois leçons de danse à saisir et à profiter au cours de la saison qui est en cours. Commençons par le commencement, Astrid, avec ses regards sur la danse. Tout à fait, un nouveau rendez-vous cette saison à l'apostrophe, puisque les amis de l'apostrophe vous proposent de les retrouver tout simplement au bar de l'apostrophe à l'issue de deux représentations pour se questionner ensemble sur les spectacles vus. Qui sont les amis de l'apostrophe? Les amis de l'apostrophe sont des spectateurs fidèles et abonnés de l'apostrophe depuis longue date et qui ont un certain regard aiguisé sur les spectacles, qui suivent avec nous déjà les artistes aussi depuis longtemps et ont envie et ont le plaisir de partager leur amour du spectacle vivant avec les autres spectateurs. Deux rencontres animées donc par ces amis de l'apostrophe autour de deux propositions. Tout à fait, celle d'abord donc de Christian Rizzo que l'on reçoit cette année. En fait, Christian Rizzo est un artiste que l'on suit et que l'on accompagne depuis quelques années à l'apostrophe. Ce qui a donc donné lieu à une discussion entamée avec les amis de l'apostrophe, également, elle, depuis longtemps. Ils ont rencontré, en fait, Christian Rizzo il y a quelques années sur Soit le puits était, où ils avaient été ensemble au musée Tavé de la Cour voir une exposition d'art contemporain. Christian Rizzo étant de formation de plasticien, avait du coup ainsi fait partager ses influences, son imaginaire aux amis de l'apostrophe. Ils s'étaient retrouvés ensuite en 2011 sur une leçon de danse pour l'oubli touché du bois. Et donc c'est tout naturellement que les amis de l'apostrophe cette année ont eu envie d'élargir cette conversation aux autres spectateurs. Donc elle se déroulera à l'issue de la représentation du 14 février au bar de l'apostrophe, à l'issue donc de la représentation du spectacle de Christian Rizzo d'après une histoire vraie. Voilà. Noce de sang, c'est ça? Tout à fait. Noce de sang, qui est donc là un spectacle de danse d'Antonio Gades, qui sera présenté dans le cadre de notre cycle Théâtre et Politique. Et le flamenco est évidemment une danse populaire et force de vie qui nous démontre en fait qu'elle peut s'attaquer à des sujets politiques. La discussion que les amis de l'apostrophe proposent là est en fait de se questionner sur la danse comme un médium du discours politique. Voilà. Petite annonce, tiens, l'apostrophe fait passer une annonce de casting. Tout à fait, un appel, deux appels aux amateurs de danse. L'un autour du projet que propose Rachidou Ramdam, sa prochaine création autour de Police. Sachez que ce chorégraphe propose et recherche donc des hommes en bonne condition physique et ayant une pratique sportive avancée de participer à des ateliers chorégraphiques dont l'un des enjeux seront de construire des marches chorégraphiques figurant un peu des grands ensembles et pouvant traduire des déplacements, par exemple, de forces de l'ordre. Ces ateliers chorégraphiques, qui seront des petites sessions de 3 heures, qui se dérouleront le 15 et 16 février prochain, seront donc l'occasion pour les amateurs de s'initier à des rythmiques et au travail de groupe et seront insérés au spectacle qui sera proposé à l'apostrophe le 2 avril 2014. Est-ce qu'il y aura une limite d'âge ? Non, il n'y a pas de limite. Je m'intéresse là. Il n'y a pas de limite d'âge. La seule condition est effectivement d'avoir une pratique un peu sportive déjà. Jean-Joël voulait préciser quelque chose. Oui, je veux juste préciser l'origine de ce spectacle, puisque Police, il s'agit bien de. Parce qu'il y a eu un film qui s'appelait Police, vous savez. Et donc, c'est une autre focale, hein, parce que le film était, lui. Humoristique, bien que très sérieux sur certains points, mais humoristique par rapport au titre. Là, il s'agit véritablement du mot de la police, notre police nationale et indépassable, qui est issu d'un texte consécutif à des enquêtes qui a été fait par Sonia Chambrietto, qui est un auteur donc d'un dramatique, qui a écrit un texte qui est d'ailleurs publié et qui est un condensé des relations quelquefois musclées avec les forces de l'ordre lors de manifestations. Et donc c'est une série de témoignages de cet ordre. Certains sont de l'ordre de la fiction, mais qu'elle a tenu à rassembler dans un document pour interroger quand même cette question du rapport d'une société à ses forces de l'ordre. Et donc Rachid ou Ramdan, depuis l'origine, en travaillant d'ailleurs avec une chorale du département, de Garges-lès-Gonesse, pour tout dire, a... pardon ? Et de Gonesse, de Garges-lès-Gonesse et Gonesse, pardon, donc a donc un ancrage de ce projet dans le territoire, et il a voulu travailler pour associer les populations. C'est véritablement son projet, même si ça lui demande beaucoup, et beaucoup d'énergie, et beaucoup de difficultés, parce qu'il met également des mineurs sur scène, ce qui pose en ce moment quelques difficultés, et nous voyons tout ça demain, puisque la création du spectacle a lieu à mettre en scène demain soir. Autre casting sur une autre création. Tout à fait. De son côté, Dominique Brun, chorégraphe, sollicite aussi les habitants de l'agglomération et du territoire pour un événement majeur intitulé Sacre Dièse 2, une reconstitution historique inédite de la chorégraphie disparue du Sacre du Printemps de Nijinsky, sur la musique de Stravinsky. Cette reconstitution, sera donc servie par 34 danseurs, dont 8 amateurs. Et donc c'est bien 8 amateurs que nous recherchons pour participer à ce projet tout à fait inédit pour ceux qui ont envie donc de goûter au répertoire de la danse par le corps même. Deux spectacles qui seront présentés dans le cadre d'Escale Danse 2014, ce précision à faire. Nous n'en avons pas terminé, puisque là, cette fois-ci, il est question de leçons de danse autour d'œuvres présentées à la scène nationale. Tout à fait. En fait, au-delà des œuvres donc présentées à la scène nationale, notre mission est d'inventer des modes d'approche des spectacles qui peuvent être utiles à la réception ou au prolongement des paroles artistiques. Alors, les leçons de danse, imaginez un petit peu ce que c'est. Vous allez voir un spectacle de danse et le lendemain, vous traduisez dans votre corps l'intention du chorégraphe. C'est des moments absolument fantastique, puisque vous êtes avec le chorégraphe dont vous avez vu l'œuvre la veille, et là, vous allez expérimenter avec lui, décortiquer des phrases chorégraphiées extraites du spectacle, et éprouver dans votre corps la vision d'un artiste. Ce sont des petites sessions de 3 heures, il n'y a pas besoin d'avoir fait danse classique avant, c'est vraiment ouvert aux amateurs et aux novices, et il y en aura donc 3, une autour de Swan Lake, une autour de Christian Rizzo, donc d'après une histoire vraie, et une autour du Sacre du Printemps. L'objectif de ces leçons de danse, c'est pas de devenir des danseurs, des danseuses. Non, du tout. C'est vraiment de partager autrement le spectacle vivant et d'avoir une proximité avec la parole de l'artiste. La maïeutique socratique, c'est faire comprendre les choses de l'intérieur en les vivant, non seulement par l'esprit, mais par le corps. Et oui, quand on parle de danse, eh bien c'est, il faut investir tout son corps pour partager pleinement les intentions, main du chorégraphe, ce qui est le cas pour ses leçons de danse. Un petit correctif, c'est que la compagnie d'Adam Massilo ne pouvait pas être disponible le lendemain en raison de sa très grande tournée. Donc Philippe Lafeuille, l'un de nos artistes aimés avec qui nous travaillons sur beaucoup de projets, qui avait fait la dernière mise en scène de notre présentation de saison, fera le relais, ayant lui eu l'occasion de travailler avec cette équipe. Il est temps pour nous d'avoir la proposition musicale de Jean-Pierre Cliquet. Et puisque vous m'avez gentiment invité à choisir un morceau, c'était pour moi l'occasion de ne pas écouter que des morceaux que je vais éventuellement programmer, donc de revenir aux sources. Les sources, c'est ce que j'écoutais quand j'étais petit. Et ce que j'écoutais quand j'étais petit, c'était pas des chansons pour enfants, c'était Georges Brassens. Donc voilà, un titre de Georges Brassens. Après, il n'y a pas plus de commentaires sur le titre choisi. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Chacun verra. Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort fauche à les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touchés. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, braves gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Nous allons évoquer deux spectacles qui seront en effet à l'affiche à l'apostrophe, et cela dans le cadre du Festival d'automne à Paris. C'est Jean-Joël Le Chaplin qui va nous en parler. Alors peut-être d'un mot nous dire ce partenariat qui existe, puisqu'on a déjà eu l'occasion dans une précédente édition de parler de ce lien entre l'apostrophe et le Festival d'automne à Paris. Alors, ça relève de toujours, c'est un peu le même discours que sur le partenariat avec le territoire. C'est-à-dire que, en effet, nous sommes inscrits dans le périmètre de l'Île-de-France et autant nous avons des intérêts à conjoint avec un certain nombre de partenaires de proximité, de villes moyennes ou plus petites que Cergy-Pontoise, autant nous avons des intérêts de partage avec des grandes institutions nationales qui, nous tirent par le haut autant qu'il soit possible. Et nous avons donc des relations avec des grands rendez-vous comme celui-là qui naviguent évidemment sur des projets qui sont des projets la plupart internationaux et qui, comme dans la pratique d'une programmation d'un lieu, quelle que soit sa dimension, cherche à établir des fidélités, des ouvertures, des curiosités. Et donc on est inscrit là-dedans dans un partenariat qui est extrêmement fort malgré tout et très facile aussi avec les dignes représentants de ce festival d'automne créé par Michel Guy dans les années 70, il faut le rappeler, à un moment où il n'y avait pas de manifestation emblématique sur l'île de France et à Paris même de ce type d'événement, dehors des grands lieux, des grandes institutions telles que l'Opéra par exemple. Et bien là, cet événement a fortement grandi toutes ces années et il a grandi aussi non pas dans une volonté d'autarcie mais dans une volonté de partage, un peu comme ce que nous faisons ici à notre échelle sur le territoire du Val d'Oise. Et je crois que la pensée artistique aujourd'hui ne peut plus se détacher de cette vision collective, partagée, échangée, qui nous permet de recevoir ici des œuvres qui, évidemment, sont présentées à Paris, mais il y a 12 millions de franciliens dans une salle de spectacle, il y a 500 à 600 places. Même quand on fait des séries, on a du mal à pouvoir accueillir tout le public potentiel. Et donc la décentralisation, on est vraiment là dans une circulation des œuvres. Il est très important pour nous de recevoir Perturbations, comme c'est le cas bientôt, ou de recevoir les deux spectacles de danse avec Bruno Beltrao et Elia Rodriguez inscrits dans ce cadre. Et donc je veux saluer là l'ouverture d'esprit, la volonté politique du Festival d'automne qui va à la rencontre de notre propre volonté de partage et de ce partenariat qui est, gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça permet, en ayant plusieurs représentations par exemple sur l'Île-de-France, ça permet d'avoir une diminution des coûts, ça permet d'avoir une plus grande lisibilité des œuvres et donc ça permet au public de plus facilement nous semble-t-il, se retrouver et y trouver matière et nourriture. Et ça renforce l'idée certainement que ici, en région parisienne, dans la grande couronne parisienne où nous sommes situés, dans le Val d'Oise, eh bien, on a le droit d'aller à la rencontre d'artistes qui viennent du monde entier et qui sont de passage, certes à Paris, mais aussi dans notre département. Oui, c'est un aspect qui pourrait paraître désuet d'évoquer cela, mais ça n'est pas désuet du tout. Ouais. C'est extrêmement important puisque en même temps ça témoigne de l'évolution des mentalités. À la place où je suis dans cette institution et de par mon histoire personnelle, j'ai eu l'occasion de constater cette évolution puisqu'il y a des époques assez éloignées maintenant mais quand même dans lesquelles certains artistes de très haut niveau avaient des réticences très fortes. Absolument. À se présenter dans des villes de banlieue etc. et ayant une perception extrêmement presque raciste, on pourrait dire, des populations qui pouvaient s'y trouver. Cette chose-là est aujourd'hui pratiquement complètement disparue. La seule contrainte, mais qui n'est pas mince, mais à laquelle nous pouvons en partie, pour ce qui nous concerne, répondre, étant souvent des conditions techniques, puisque plus le temps passe, plus les très très belles productions sont quand même des productions qui nécessitent une technique assez avancée que seuls les grands plateaux de théâtre aujourd'hui peuvent, dans la plupart des cas, honorer. On va parler de deux chorégraphies qui sont à l'affiche donc, c'est bien, de ces échanges avec le Festival d'automne à Paris. La première proposition, les deux sont brésiliens, c'est Bruno, Bruno Beltrão. Il est question de danse urbaine du Brésil, pas que. Ça serait un peu dommage de le réduire ainsi. C'est très difficile de réduire Bruno Beltrão pour plusieurs raisons. C'est une personnalité extrêmement forte, qui est extrêmement en prise avec le pays dans lequel il vit et avec la capitale du Brésil, Rio de Janeiro, dans lequel il vit, tout comme d'ailleurs Elia Rodriguez. Et le fait de leur existence dans cette ville qui est d'une puissance et d'une force à tous les sens du terme, c'est une puissance économique, c'est une mégapole, c'est une ville dans laquelle il y a des conflits sociaux très forts, et c'est là que réside un périmètre énorme de favelas, de ces populations qui ont investi ces territoires, se rapprochant de la ville parce qu'ils ne pouvaient pas vivre ailleurs pour toute une série de considérations, notamment liées aux réformes agraires. Eh bien, cette population se condense, explosive, et des personnalités comme Bruno Beltrão sont tout à fait en capacité d'en saisir la substantifique moelle, si on peut dire, avec une extrême force liée à la modernité dans laquelle il s'inscrit, puisque c'est un homme qui vit avec les écrans, il est en contact avec le monde entier par l'intérieur des écrans, et c'est ce cocktail constitué de ses perceptions qui lui font dire qu'il veut traduire, en fait, il veut interpréter, pour lui c'est traduire, ou traduire c'est interpréter, on peut d'ailleurs le retourner dans les deux sens, et c'est véritablement ça qu'il propose sur le plateau de théâtre à des danseurs, mais ce à quoi on aperçoit, c'est surtout à une œuvre d'artiste singulier et qui est tout à fait remarquable et qu'on a déjà reçu l'année passée dans une très belle opus qui s'appelait H3 et qu'on a plaisir à recevoir à nouveau. Précision à se partager avec nos auditeurs, quand on parle de street dance, de cultures urbaines, on a tout de suite danse urbaine, on pense tout de suite et de manière incontournable à la scène américaine. Là, il a demandé, s'il y a une démarche artistique particulière, il a demandé à ses danseurs d'avoir la curiosité sur tout ce qui existe sur la toile, sur Internet et aux quatre coins du monde. Voilà. Et quand je dis qu'il regarde les images, c'est exactement ça qu'il va rechercher. C'est ça qu'il demande évidemment à ses interprètes d'aller puiser, puisqu'il se perçoit, et le lieu, c'est pourquoi je parlais de Rio de Janeiro, parce que c'est le lieu dans lequel il vit n'est pas innocent dans cette, je présume, dans cette perception du monde. Il a cette volonté universaliste dans son travail, une nourriture qui lui permette d'exprimer au-delà du Brésil sa perception du monde et d'évidemment faire partager ça par ses danseurs qui sont en général des danseurs d'exception et qui pour beaucoup, comme ce sera le cas d'ailleurs pour Elia Rodriguez, pour certains, pour beaucoup, viennent des quartiers très populaires de Rio de Janeiro. Chez Elia Rodriguez, ce sont même des gamins qui viennent de la favela. Crax, c'est bien ça le titre du Crax, oui, ne me demandons pas. Bruno Beltrão, je ne sais pas. C'est à voir le vendredi 29 novembre à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Louvrés à Pontoise. À ne pas manquer, d'ailleurs, à ce propos, indiquer aussi que vous pouvez, vous, auditeurs de RGB, à l'écoute de cette émission, l'apostrophe l'émission, gagner des places pour assister à ce spectacle. Pour ce faire, eh bien, notez bien l'adresse email de votre radio local, car il faudra écrire quelques mots pour vous manifester et manifester votre intérêt pour cette création. Soyez curieux, c'est un très beau spectacle, plein de vie assurément, à découvrir le 29 novembre prochain au Théâtre des Louvrés à Pontoise. Alors écrivez-nous à rgb@radiorgb.net, rgb@radiorgb.net, et là, les premiers messages auront des places de spectacle à gagner. Alors, il faut être les premiers, évidemment, à nous écrire. Mais n'attendez pas. Souvent, on donne cette indication et on se dit « Oh, ben, c'est trop tard, il y en a plein qui ont déjà écrit ». Bien non, faites l'effort de nous écrire et le jeu en vaut la chandelle. Juste précision sur ce spectacle, dans ce qui vient d'être dit aussi, c'est effectivement une pièce sans patrie. C'est un peu l'idée générale qu'a ce chorégraphe. Deuxième chorégraphie, Pindoramas de Lia Rodriguez, avec, eh bien là, pareil, c'est une artiste qui s'est investie au-delà de l'artistique. Oui, alors juste une précision sur le sujet précédent, pour montrer la qualité des relations entre les institutions et les partenariats que nous pouvons tisser, puisqu'on pourra remarquer que le spectacle du Bruno Beltrao se trouvera le 29 novembre à Cergy Pontoise, mais qu'il a été auparavant le 26 et 27 novembre au 104 à Paris, et que c'est seulement après que Paris, la capitale, au Théâtre de la Ville, recevra les quatre représentations prévues. Donc cette configuration était inenvisageable il y a une dizaine d'années, notamment parce que les gens ne s'appréciaient pas ou ne voulaient pas s'apprécier, et n'avaient pas surtout la même conception qui est la nôtre aujourd'hui de tous ces acteurs culturels, d'avoir une responsabilité civique vis-à-vis du spectacle. Alors pour glisser sur en effet Lia Rodriguez, on est sur le même territoire brésilien dans l'appréhension du jeu. On est chez une chorégraphe qui est une danseuse, qui a travaillé avec une très grande chorégraphe française qui s'appelle Maggie Marin, qui a donc même fait dans un art, pour l'anecdote Lia Rodriguez, elle partait de Rio de Janeiro pour aller à Essen en Allemagne travailler avec Anne Teresa Pina Bausch, pardon, Bausch. De ce lapsus. Donc elle est là-bas et entre deux, elle s'arrête à Paris pour voir une amie qui l'emmène incidemment dans un atelier chez Maggie Marin et elle y est restée 3 ans. Donc, et elle a travaillé pour une des pièces mythiques de Maggie Marin, elle était dans la création de Maybe, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, son histoire personnelle fait qu'elle a donc ce parcours. Elle a travaillé donc après avec Pina Bausch, elle a travaillé en Europe. Et évidemment, elle est retournée au Brésil où elle a développé son propre parcours depuis quand même maintenant pas mal d'années. Et cette focale sur les favelas, sur l'humanité, là, la porte tout à fait. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'on avait reçu l'année dernière Ce dont nous sommes faits, qui est dans une proximité, une intimité avec les danseurs, illustre tout à fait ce propos, et elle est embarquée dans ce propos sur plusieurs spectacles. Là, c'est le troisième d'une série dans laquelle elle associe des jeunes gens, puisqu'ils sont tous, ma foi, en effet, assez jeunes, dans une recherche collective qui lui permet de traduire les forces, mais surtout les forces au sens noble du terme, c'est-à-dire ce que l'on peut faire ensemble, les choses que l'on peut faire lorsqu'on est ensemble, et c'est ce domaine qu'elle explore, confronté à une réalité qui, on le sait, n'est pas drôle tous les jours dans le contexte ultra-libéral qui est celui du Brésil aujourd'hui, même si on peut constater politiquement des améliorations sur ces dernières années. D'autant qu'elle a installé vraiment son lieu de travail dans une immense favela. Oui, que je connais d'ailleurs, et qui est l'équivalent d'une, on peut imaginer, d'une maison de jeunes, mais fait bricoler quand même, hein. C'est-à-dire, mais où le centre du travail est un plateau de théâtre, voilà, et où toute l'année, tous les jours, toute l'année, les gamins viennent apprendre ici une sociabilité qui est bien utile et une créativité qu'ils peuvent traduire dans des projets qu'elle leur donne l'occasion de faire. Son travail chorégraphique repose et réinvente inlassablement la question suivante: par quel chemin explorer, une fois encore, les façons d'être ensemble? Voilà encore un message qui nous va droit au cœur, que l'on soit amateur de chorégraphie ou non. Oui, de toute façon, c'est l'objet commun de la vie artistique et culturelle. Et pourquoi, d'ailleurs, c'est pourquoi la puissance publique s'intéresse à ces lieux. C'est pourquoi la puissance publique met quelques sous pour que finalement il y ait un mieux vivre ensemble. Quand on dit mieux vivre, on pourrait laisser supposer que on vit mal d'une manière générale, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, le mieux vivre s'applique surtout à l'idée que, avec davantage de connaissances et de culture, avec davantage d'ouverture sensible au monde, avec une capacité à mieux recevoir et être plus tolérant vis-à-vis d'autrui, on peut fabriquer une société peut-être plus agréable que celle que nous avions hier. Mais nous faisons tout pour que demain elle soit beaucoup meilleur. Pindoraba, c'est d'abord un nom, celui du Brésil, avant sa conquête par les colons portugais, nom formant un paradoxe, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, simultanément terre vierge à défricher et destruction de l'altérité. D'où, effectivement, un intérêt supplémentaire à aller découvrir ce travail. Une pièce pour 11 danseurs, une pièce en constante métamorphose. Là, c'est pareil, on ne s'ennuie pas, le regard et le corps de chaque spectateur est sollicité. Difficile de rester insensible sur son siège quand on assiste à des spectacles comme celui-ci. Pindorama de Lia Rodriguez, c'est à voir le mardi 3 décembre à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. C'est une création 2013-2014 à ne pas manquer. Et donc un des spectacles qui est proposé en partenariat avec le Festival d'automne à Paris, à l'apostrophe. Un mot supplémentaire. Un petit point de détail, un petit clin d'œil. Pindorama, c'est le nom ancien du Brésil. C'est bien ça. Il est temps pour nous, tranquillement, avant de refermer quand même cette émission, l'apostrophe l'émission, un petit mot, puisqu'il est parmi nous, le directeur du Festival Théâtral du Val d'Oise, un événement qui a débuté le 5 novembre et qui va se prolonger jusqu'au 16 décembre avec un slogan, et plus qu'un slogan, une attention, ce qui est chevillée au corps depuis l'origine de ce festival, partout pour tous, ici dans le département. C'est bien ça. Absolument, Bernard Mathomas. José, absolument. Et nous serons dans plus de 70 lieux différents sur le département pendant toute cette période. À ne pas manquer, pour ceux et celles qui voudraient en savoir davantage, je vous renvoie vers le site internet du Festival Théâtral du Val d'Oise, www.ta-valdoise.org. Il va falloir trouver un site internet plus simple quand même, mais il suffit d'aller sur... Eh oui, les moteurs de recherche font le travail plus simplement, mais bon... ta-valdoise.org. Et voilà qui est dit. Pour ceux qui ne sont pas internautes, vous avez le droit encore. C'est le 01 34 20 01 08. 01 34 20 01 08. Il est temps pour nous de remercier tous nos invités. Bernard Mathomas, directeur du Festival Théâtral du Val d'Oise. Jean-Pierre Cliquet, directeur du pôle culturel de la ville d'Hermont, qui comprend les théâtres, mais d'autres initiatives et institutions culturelle de la ville, Astrid Cosson, responsable pôle développement des publics à l'apostrophe, et bien naturellement, et évidemment, Jean-Joël Le Chapelin, directeur de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, qui coproduit cette émission. Merci à chacun et à chacune de vous. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Jérôme Letellier qui l'a réalisée. Pour prendre contact avec l'apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise, on peut le faire de deux manière par téléphone au 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14, ou bien encore sur internet là au www.l'apostrophe, tout attaché en un seul mot, l'apostrophe.net. Et là c'est plus simple. Cette émission animée par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée samedi 16 novembre de 9 à 10 heures du matin sur RGB, sur le 99.2 FM et sur le www.radio-rgb.net est disponible ensuite en podcast sur le site internet de votre radio. Le mot de la fin, eh bien, votre prochain numéro de l'apostrophe l'émission, rendez-vous le mercredi 11 décembre de 19 à 20 heures sur ces ondes enchantées, à savoir votre radio locale RGB sur le 99.2 FM. Bonsoir à tous. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.